Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour ce 133e rendez-vous. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde, de la recherche et du choix musical avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous avons une nouveauté de la Grèce, la nouvelle formation Chicken. Nous aurons des États-Unis Kinetic Element, Cairo. On va aller du côté de l'Angleterre avec Big Big Train. On a le nouveau Glasshammer aussi. On a Levin Minimin Rudess des États-Unis. Nexus d'Argentine. De Russie, nous avons Little Tragedies. Stickman des États-Unis. Et le dernier bloc de l'émission sera consacré aux Italiens avec Reale Accademia di Musica, Ingranaggi della Valle et Ranestrein. Alors, on commence ça avec un nouveau groupe de Grèce. C'est un groupe psychédélique Space. C'est leur premier album. C'est l'album éponyme. Alors, on va entendre un extrait. Ça va être suivi de la formation américaine Kinetic Element qui sont venus à Québec au mois de mai l'an dernier. Au printemps dernier, durant le festival Terra Incognita. Et ils ont présenté Travelogue. Alors, on va entendre un extrait de leur plus récent album. Ils en ont deux. C'est un groupe qui est quand même actif depuis 6-7 ans. Et on va finir le bloc avec la formation américaine Cairo. Cairo qui ont été actifs surtout entre fin des années 90 et le dernier album Time of Legends qui est paru en 2001 nous fera connaître un extrait. Alors, on débute ça avec Chicken. Oh, Lord. We'll be right back. Alors, vous venez d'entendre la formation américaine Cairo et la pièce The Prophecy, c'est extrait de Time of Legends, ça c'est un album qui est paru en 2001. Ça a été précédé de la formation américaine Kinetic Element avec la pièce Into the Lair et c'est extrait de Travelogue, paru en 2015. Et en début de bloc, nous avions une nouveauté de la Grèce, le nouveau groupe Chicken avec la pièce Aleppo Jam et c'est extrait de l'album éponyme. Après la pause, Big Big Train, Glasshammer et Levin Miniman Rudess. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous débutons le deuxième bloc avec un extrait du 9e album studio de la formation Big Big Train. L'album s'intitule Folklore et c'est paru ça en fin du printemps, début juin. On va faire suivre ça avec une nouveauté de Glasshammer. Glasshammer avec l'album Valkyrie, ça vient tout juste de sortir. C'est le 18e album du groupe. Et ça va suivre avec Levin Miniman Rudess, un trio composé de Tony Levin, bassiste de King Crimson. On a Jordan Rudess, qui est aussi le claviériste de Dream Theater, et Marco Miniman, qui est guitariste de la formation The Aristocrats. Et on va entendre, c'est d'ailleurs plus loin, on va entendre aussi une autre pièce de Tony Levin qui fait partie aussi du groupe Stickmen. Alors on débute ça avec Big Big Train. We'll be right back. Thank you. Ce que vous entendez, c'est Levin Minimum Rudess avec la pièce de Tort et c'est extrait de From the Law Offices. C'est paru, c'est récent, c'est paru durant l'été. On a eu précédemment Glass Hammer avec No Man's Land et c'est extrait de Valkyrie. Valkyrie, c'est le, je crois, le 18e album studio du groupe et ça vient tout juste de paraître. Et au début de bloc, nous avions Big Big Train avec la pièce titre de l'album Folklore paru en juin cette année. Après la pause, Nexus, Little Tragedies et Stickman. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute le troisième bloc avec Nexus d'Argentine. Nexus qui a une discographie quand même impressionnante avec 6 albums studio, le dernier paru en 2012. Par contre, ce qu'on va entendre, c'est extrait de la compilation Decameron, la troisième partie. C'est Nexus participe à presque toutes les versions. Il y a eu 3 versions de Decameron. Je rappelle aux auditeurs que Decameron, c'est un album concept paru en 3 exemplaires de 4 disques chacun. Et ce qui est paru récemment, là, c'est la partie 3. Alors, on va entendre Nexus. Ça va être suivi de Little Tragedies de Russie. C'est un groupe qui est actif depuis la fin 90, en fait depuis 1999. Et ils ont quand même 13 albums en 16 ans. C'est presque un album par année. Alors, ils sont très prolifiques. Et on va entendre une pièce extraite du dernier album du groupe At Night, qui est paru en 2014. Et on va conclure avec Stickman, qui est composé principalement de Tony Levin et Pat Mastelotto de la formation King Crimson. Et on va entendre un extrait du dernier album qui vient de paraître, Prog Noir. Alors on commence ça avec Nexus. We'll be right back. ломящий грудь проник. Каждую ночью дни безмерны, и я вижу милый странный лик. Старый товарищ, древний ловчий, снова встаешь ты с ночного дна. Тигр смелее, Марса ловчее, сильнее грузного слона. Помню, все помню, как забуду, рыжие кудри, крепость рук. Меч твой, носивший гибель всюду, из рога Турьева твой лук. Помню и волка с нами в мире, вместе бродил он, вместе спал. Вечером я играл на лире, а он тихонько подвывал. Thank you. Alors, c'était Stickman des États-Unis avec la pièce-titre de leur plus récent album, Prog Noir. Et ça a été précédé de la formation russe Little Tragedies avec Comrade, et c'était extrait de At Night. C'est paru ça en 2014 et on a débuté le troisième bloc avec Nexus d'Argentine et la pièce de Heliotrope, et c'est extrait de Decameron 100... Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission avec trois groupes italiens. Le premier, c'est Reale Accademia di Musica. C'est un groupe qui a été actif principalement en deux périodes finalement, 1972 à 1974 avec deux albums. Et ils ont repris le collier entre 2008 et 2010 en faisant paraître trois albums studio. Alors nous, on va aller du côté du premier album paru en 1972. C'est un album qui date de 44 ans. Et je vous propose, c'est l'album éponyme, c'est leur premier. Alors je vais vous proposer Il Mattino qui extrait de cet album-là. On va poursuivre avec une nouveauté italienne, In Granaggi della Valle. Ils viennent de faire paraître leur plus récent album Warm Space Blue. Et je propose un extrait. Et on va conclure avec Renest Rain. C'est un groupe italien qui est actif depuis 10 ans. Et le dernier album paru, c'est A Space Odyssey. Ça date de 2013. Alors, on débute ça avec Reale di Accademia di Musica. Apri bene gli occhi e guarda. Thank you. guarda i vecchi amici non ti danno più il calore di quei lunghi giorni in cui non ti domandavi mai perché. Ora tu sei uomo e come uomo mai il denaro e il lavoro, dignità, una donna che ti scalda, ma la Lebensleib für ihren neuen Liebsten verliert sich in endlosen Umarmung, begrissen von den schwarzen Fluten vom Fluss. Aber du bist unterwegs zu den Baumkronen, geschmückt von Tautropfen. Du kennst das Schicksal, das dir erwartet. Am Ufer von Männern. We'll be right back. cenotaph, older than man and before man, but of man. Another memento, a seed of seeds scattered across the time-strewn universe. God's continuing mischief, answering all questions. With a question. Luce che va, luce che va, luce che va qui, luce che va, luce che va qui, luce. Alors, c'était la formation italienne Ranest Rain et la pièce Il Monolito di Tico et ses extraits de l'album Space Odyssey qui est paru en 2013. Ça a été précédé de la nouveauté du groupe Ingranaggi della Valle et la pièce s'intitulait Intal et ses extraits de Warm Space Blue qui est paru il y a 2 semaines, pas plus. Et en début de bloc, nous avions Reale Accademia di Musica et un petit retour en arrière en 1972 avec la pièce Il Mattino et ses extraits de l'album éponyme. Alors, ceci met fin à l'émission. J'espère que vous avez apprécié la programmation. Et ceux qui désirent retourner voir la liste des pièces des artistes et des albums, vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et vous aurez aussi, par le fait même, accès à cette émission et aussi aux émissions archivées. Il y en a près de 70 qui vont vous donner de la musique assez particulière, dans le sens qu'il n'y a aucune redondance, aucune redite dans les pièces qui sont jouées ici à l'émission. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à moi la semaine prochaine à la même heure sur CIFU FM 89.1.